Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Et si les Israéliens avaient utilisé l'arme atomique? Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a 40 ans, l'armée israélienne est mise en difficulté dans le Sinaï par l'offensive surprise des Égyptiens qui ont traversé le canal de Suez. Pour la première fois, une armée arabe bouscule l'invincible Tsahal. Le gouvernement de Golda Meir panique, d'autant qu'au nord, dans le Golan, les Syriens aussi ont attaqué. Des généraux israéliens, dont le célèbre Moshe Dayan, pensent alors que la guerre du Kippour, comme on l'a appelée, risque de mettre en péril l'existence même de l'État hébreu. D'où cette idée terrifiante. Pourquoi ne pas utiliser l'arme nucléaire pour en terminer avec cette menace existentielle? Heureusement pour la paix du monde, la situation militaire se retourne et surtout, le grand allié états-unien a mis son veto à cette désastreuse initiative qui est l'un des secrets de cette guerre du Kippour. Mais, selon M. X, il y en a bien d'autres. Le moins important n'étant pas le rôle joué par un personnage qui est resté longtemps mystérieux, l'ange, appelé aussi le gendre, une taupe israélienne infiltrée au cœur même du pouvoir égyptien. Mais cet espion dont on connaît aujourd'hui l'identité, Ashraf Marwan, n'était-il pas un agent double? Et en informant les Israéliens des plans d'attaque établis au Caire, ne les a-t-il pas en réalité intoxiqués? La suite avec M. X. Précision d'abord. Si on en sait aujourd'hui un peu plus sur la guerre du Kippour, c'est qu'assez récemment, les autorités israéliennes ont rendu publics des documents classifiés, et en particulier les minutes des réunions du cabinet de guerre lors des premiers jours du conflit. Et ça a été un choc pour la plupart des citoyens de l'État hébreu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont découvert la pagaille, les divisions et l'indécision qui ont alors régné au plus haut niveau de l'État. Car manifestement, et malgré les nombreux avertissements prodigués au gouvernement, celui-ci a été pris par surprise. Les Israéliens étaient trop confiants. Certainement. Après leur victoire écrasante lors de la guerre des six jours, 6 ans plus tôt, ils pensaient qu'ils n'avaient plus rien à craindre des armées arabes. Mais on verra ça dans le détail. Et vous parlez de documents déclassifiés, là, mais est-ce que tout a été vraiment rendu public? Non, bien sûr. Ont été occultés des interventions du Premier ministre Golda Meir et du ministre de la Défense, Moshe Dayan. celle notamment où il a été question d'une éventuelle utilisation de l'arme atomique. Enfin, il ne faut pas s'en étonner, le sujet de la possession de la bombe demeure tabou en Israël. Ouais, même si tout le monde sait qu'Israël dispose d'un important arsenal nucléaire. Bien entendu, enfin, il est inutile d'insister. Alors, je vous propose, avant de revenir à la guerre du Kippour, proprement dite, de vous parler d'un curieux personnage, Ashraf Marwan. Ouais, un Égyptien. Hein, oui, ce jeune homme est issu d'une famille aisée et respectable du Caire. Son grand-père est en effet président du tribunal chargé de l'application coranique en Égypte. Quant à son père, c'est un général qui termine sa carrière en 1970 comme chef adjoint de la division de la garde républicaine. La famille est donc très proche du pouvoir, alors incarnée par le raïs, hein, Gamal Abdel Nasser. Exactement. Le jeune Ashraf est d'abord un lycéen très bien noté qui poursuit ensuite des études de chimie à l'université tout en recevant une formation militaire. Je crois qu'il accédera au grade de sous-lieutenant. C'est aussi un sportif accompli et un jeune homme très séduisant. Eh ben, il a tout pour plaire. Et disons-le tout de suite, il a les dents longues. En 1965, sur un court de tennis d'Héliopolis, la banlieue chic du Caire, il fait la rencontre de sa vie. Ouais. Une femme. Oui. Une jeune égyptienne assez timide, prénommée Mona. C'est la troisième fille de Nasser, la plus jolie et la préférée de son père. Très vite, elle tombe folle amoureuse du beau Marwan et les deux jeunes gens parlent de mariage. Mmh. Réaction du père, Nasser, là? Disons qu'il n'est pas très enthousiaste. D'instinct, il se méfie de ce bellâtre, car il le soupçonne d'être un arriviste. Ouais, cherchant à se hisser au sommet grâce à son mariage avec la fille du raïs. Hein. Bien sûr. Pourtant, Nasser finit par dire oui. Et les deux jeunes gens se marient en juillet 1966. Alors, est-ce que Marwan profite vraiment de ce mariage? Incontestablement. Le nouveau gendre de Nasser est nommé à l'unité chimique de la garde républicaine avant d'être transféré un peu plus tard au service scientifique de la présidence, dès 1968. Alors, au plus près de son beau-père, donc. Oui, hein. Mais le jeune homme ne tarde pas à s'ennuyer dans son travail. Et il demande à Nasser la permission de partir à Londres afin d'y travailler sa thèse. Et le raïs accepte? En effet. Mais en même temps, il demande à ses diplomates présents à Londres de surveiller son gendre. Pourquoi? Il se méfie, hein? Il n'a pas tout à fait tort. Car Marwan mène la grande vie dans la capitale britannique. Il fait la fête, multiplie les aventures féminines et dépense beaucoup. Plus embarrassant encore, il se lie avec l'épouse d'un cheikh koweïtien qui entretient ce jeune homme impécunieux. Et Nasser l'apprend. Forcément. Et lui ordonne de rentrer au Caire. En même temps, il demande à sa fille de rompre avec son époux. Mais celle-ci refuse. Toutefois, Nasser n'en reste pas là. Il exige de Marwan qu'il rembourse la totalité des sommes empruntées à la koweïtienne. Et il lui interdit de quitter l'Égypte. Il n'est autorisé à retourner à Londres que pour rendre ses travaux de thèse. Ouais, alors que devient-il? Il est nommé dans un bureau de la présidence où on lui confie des tâches sans intérêt. Et il s'ennuie à nouveau. Évidemment. C'est alors qu'au printemps 1969, il va prendre une décision stupéfiante. De passage à Londres, il contacte l'ambassade d'Israël et demande à rencontrer le responsable des services secrets. Il est prêt à trahir? C'est ce qu'il prétend. Il affirme qu'il peut donner des informations importantes sur son pays. Ouais. Et pour quelle raison? Quand même pas parce qu'il s'ennuie au bureau. Non, mais je vous propose d'examiner ça dans un instant. Auparavant, voyons la suite. Les fonctionnaires de l'ambassade israélienne de Londres tardent à réagir. Ouais, mais est-ce que Marwan a dit qu'il était le gendre de Nasser? Non, il a simplement donné son nom. En tout cas, il est pressé, car il n'est que de passage. Il exige donc une réponse rapide, mais on le fait lanterner. C'est bizarre qu'il aurait été facile aux Israéliens de découvrir qui il était. Et donc ses liens de famille avec Nasser, je suis d'accord. Alors quoi, c'est la crainte d'une provocation? Peut-être, mais coïncidence, une grosse pointure du Mossad est aussi de passage à Londres. Il s'agit de Shmuel Oren, tout juste promis chef de l'antenne d'Europe de l'Ouest des services de renseignement israéliens. Informé de l'initiative de Marwan, il comprend aussitôt qu'il y a là une occasion formidable d'obtenir des informations de première main sur le pouvoir égyptien. Oui, car ce Goren, lui, a identifié Marwan comme étant le gendre de Nasser. Oui, pour autant, il prend ses précautions. Un rendez-vous est fixé dans un café londonien, mais Goren ne prend pas lui-même le contact. Il délègue cette tâche à l'un de ses subordonnés, un agent connu sous le nom de Duby. Et comment ça se passe? Très bien. Marwan se présente et propose d'emblée des informations intéressantes. Ouais. Et il en apporte la preuve ? Oui, il tend à son contact une enveloppe qui, vérification faite, contient deux documents importants pour les Israéliens. Mais j'imagine que ces derniers se sont tout de même assurés de la sincérité de leur nouvelle taupe. Bien entendu. Un peu plus tard, ils l'ont soumis à un détecteur de mensonges. Et ils ont été rassurés ? Absolument. Et c'était d'autant plus nécessaire que leur espion allait leur coûter très cher. Quoi, au sens propre ? Oui, oui, Marwan est très gourmand. Pour chaque livraison d'informations, il demande 100 000 dollars. Et le Mossad, qui n'est pas habitué à payer autant ses informateurs, doit créer un budget spécial pour sa nouvelle taupe. On estime qu'au total, il déboursera plus d'un million de dollars pour le gendre, le nom de code de Marwan. Un nom de code un peu transparent, non ? Aussi, il sera également connu au Mossad sous le nom de Babylone, de l'ange ou encore de Otal. Alors, vous avez parlé de documents importants là, fournis par Marwan. Vous pouvez préciser ? Oui, il transmettra par exemple l'ordre de bataille de l'armée égyptienne. Ah oui. Mais il fournira aussi de précieux renseignements à caractère stratégique ou diplomatique. Il donnera en particulier à son officier traitant, ce Duby, qui a été son premier contact, les clés de la guerre d'usure qui a opposé Israël et l'Égypte entre 1969 et 1972, de part et d'autre du canal de Suez. Mais expliquez, là. Pour son beau-père, a-t-il dit, cette guerre d'usure n'était que le préliminaire d'une offensive destinée à libérer le jour venu tout le Sinaï, conquis par Tsahal en juin 67. Mais dans les renseignements transmis aux Israéliens, et c'est très troublant, il y a eu aussi des informations qui allaient coûter très cher à Israël, et cette fois au sens figuré. Qu'insinuez-vous là ? Eh bien, Marwan a contribué à persuader les généraux israéliens que l'armée égyptienne était faible. Faible, ce qui n'était peut-être pas inexact. Au moins dans les années 1969-1970, après la raclée infligée lors de la guerre des Six Jours. Alors pourquoi trouvez-vous cela troublant ? Bah, parce que ces informations sur la faiblesse de l'armée égyptienne vont enraciner chez les chefs du renseignement militaire l'idée trompeuse que les Égyptiens seront incapables de conduire une attaque décisive et dangereuse. Ah, et alors vous vous demandez si Marwan n'aurait pas eu pour véritable objectif d'intoxiquer les Israéliens ? Ben, on peut se poser la question, non ? Dans un ouvrage très récent, « La guerre du Kippour n'aura pas lieu, comment Israël s'est fait surprendre », Marius Schattner et Frédéric Chilo évoquent bien sûr l'espion Ashraf Marwan. Et ils racontent comment et pourquoi l'homme du Mossad, Shmuel Goren, a décidé d'approcher l'Égyptien. Goren est d'autant plus intéressé que Marwan, âgé de 25 ans à peine, a déjà attiré l'attention des agents du Mossad à Londres. Le fait que le gendre du Raïs mène un train de vie bien au-dessus de ses moyens et contracte des dettes pourrait en faire un candidat à recruter. Un rendez-vous est pris à la hâte dans un café tranquille proche de l'hôtel où réside Marwan, facile à surveiller à partir de la rue. Mais le temps manque pour que toutes les précautions d'usage soient prises afin d'assurer la sécurité de la rencontre. Car il y a un risque que Marwan ne se présente pas en personne et que toute l'affaire soit un piège destiné au mieux à embarrasser le Mossad en dévoilant ses activités sur le sol britannique, au pire, à abattre l'un de ses agents. En fin de compte, l'homme qui se rend au rendez-vous, jeune, de haute taille, impeccablement habillé, mais sans ostentation, reconnaissable avec son visage d'enfant sage aux lèvres gourmandes, eh bien Marwan, comme le constate Goren, assis à une table voisine qui s'est munie d'une photo de presse du mariage de Marwan avec Mona Nasser, aux fins d'identification. Alors si Marwan a sciemment tenté d'intoxiquer les Israéliens, il aurait donc été un agent double. C'est tout à fait possible. Et tenez, ce qui me semble étonnant, c'est la qualité de ses premières informations transmises au Mossad, alors même qu'il n'occupe que des fonctions, somme toute, subalternes à la présidence. Ensuite, nous le verrons, après la mort de Nasser, ça changera. Mais ça n'explique pas que d'emblée, il ait pu fournir des renseignements de première main. Mmh. Ah, et vous dites que ces informations auraient pu lui être communiquées par les services égyptiens. Dans le but de mettre en confiance ses interlocuteurs israéliens, oui. Mmh. D'accord, mais les gens du Mossad, qui n'étaient pas des amateurs, auraient pu aussi se poser la question. C'est vrai, on en reparlera. Mais d'abord, voyons pour quelles raisons le jeune homme aurait décidé de trahir son pays. On pense d'abord à des raisons familiales. Ouais, ses relations difficiles avec Nasser, son beau-père. Hein. C'est possible. Il y avait l'humiliation de son retour forcé au Caire. Et puis, on peut imaginer qu'il n'avait pas apprécié d'être relégué à un poste de peu d'importance. Oui, alors qu'il avait besoin de briller et d'être considéré. Mais en même temps, est-ce que ça valait de risquer sa position familiale et sa vie ? Autre motivation. Marwan était un joueur. Quand il était à Londres, il fréquentait les endroits où l'on jouait très gros. Enfin, ça me paraît plus sérieux, il y avait l'appât du lucre. Oui, l'argent. Et je vous l'ai dit, les Israéliens lui ont versé une petite fortune. Et ça lui permettra plus tard de se lancer avec succès dans le monde des affaires. Et la motivation idéologique ? Non, la politique l'indifférait. Même si Marwan a confié un jour à son contact israélien qu'il avait été démoralisé par les faiblesses de son pays et impressionné par la victoire israélienne de 67. Donc, si je vous ai bien entendu, hein, et si Marwan était une vraie taupe, bah c'est l'argent qui l'a poussé. Ben, je le pense. Bon, bah, avançons. Nasser, je vous le rappelle, meurt subitement en septembre 1970. Ouais, une crise cardiaque. Hein. Et ça va forcément avoir des conséquences sur le destin de Marwan. Bien entendu. C'est une nouvelle équipe d'officiers qui arrive au pouvoir autour d'un autre militaire, Anwar al-Sadat. Et dans ce contexte, il n'est pas obligatoirement bien vu d'avoir été un très proche de Nasser. Ouais, même si dans la réalité, Marwan n'a jamais exercé de réelles responsabilités. Hein. C'est vrai. Mais Marwan est indubitablement un homme habile. En mai 1971, le nouveau Reich se débarrasse de ses rivaux qui voulaient le destituer. Sous quel prétexte ? Bah, ces hommes, parmi lesquels se trouve le tout-puissant ministre de la Défense, l'accusent d'être vendu aux États-Unis. Sadat, généralement considéré comme un dirigeant faible et malléal, réagit avec la plus grande fermeté. Il fait arrêter ses opposants qui seront ensuite condamnés à de lourdes peines de prison. Et pour faire bonne mesure, il ordonne la libération de quelques frères musulmans. Il a assis alors son autorité. Et que devient Marwan ? Alors qu'il s'était abouché avec l'un des généraux comploteurs dont il était même devenu l'adjoint, il retourne très vite sa veste et se rallie, ainsi que d'autres nassériens, à Anwar al-Sadat. Dès lors, sa carrière va faire un bond en avant. En 1972, dans l'organigramme de la présidence, il apparaît comme secrétaire aux questions d'information auprès du président Sadat. Mais c'est un titre qui ne correspond pas à ses véritables attributions. En réalité, Marwan est déjà devenu l'un des plus proches conseillers du Reich, l'homme de l'ombre de la présidence. À un tel poste, il peut donc avoir accès à des informations sensibles. C'est d'autant plus vrai que Sadat lui confie désormais des missions diplomatiques officieuses. C'est lui qui assure en particulier le suivi des relations avec deux pays importants pour l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Libye. C'est aussi une époque charnière pour le Caire. Ouais, le retournement des alliances qui s'amorcent. Oui, c'est ça, oui. Sadat choisira peu à peu le camp occidental. Ouais, le rapprochement avec les États-Unis. Et donc l'éloignement vis-à-vis de l'URSS. Cette même année, 1972, qui voit l'influence de Marwan se renforcer auprès du Reich, 15 000 militaires soviétiques présents en Égypte quittent le pays. Est-ce que, parallèlement, Marwan continue à collaborer avec la Mossad ? Bien sûr. Même si sa progression de carrière, appelons ça ainsi, lui permet d'envisager de nouveaux rapports avec le service israélien. Mais c'est-à-dire ? Eh bien, Marwan ne donne plus l'impression d'être seulement un espion. D'une certaine façon, il est aussi la voix du président Sadat, son représentant, vous comprenez ? Est-ce vrai ou est-ce qu'il se vante ? Bah, il y a peut-être des deux. Que penser par exemple lorsqu'en 1972, il avertit les Israéliens que tous les soviétiques ont quitté l'Égypte ? Ouais, alors qu'à l'époque, c'est encore faux. Hein. Oui, ce départ global ne deviendra effectif qu'à l'automne 73, juste avant la guerre du Kippour. Mais peut-être ment-il à l'instigation de Sadat ? Sadat qui a déjà décidé de se tourner vers l'Occident. Et d'ailleurs, c'est aussi Marwan qui informe son officier traitant du Mossad que le Caire aurait l'intention d'acquérir des armes défensives à Londres. Et parallèlement, la taupe insiste sur l'importance des fournitures d'armes de l'URSS à destination de l'Égypte. Ne faudrait-il pas que l'Occident, à commencer par les États-Unis, en fasse autant pour compenser l'influence soviétique ? Donc là aussi, on peut se demander si, par son intermédiaire, Sadat ne fait pas passer un message aux Occidentaux. C'est ce que je crois, oui. Oui, mais ça voudrait dire que le dirigeant égyptien sait que Marwan a noué des relations avec Israël. Et sans déflorer la suite de notre entretien, si c'est vrai, ça change bien des choses, non ? Mais poursuivons avec une affaire dans laquelle Marwan a joué un rôle étonnant et très positif. Ah ben, je vous écoute, là. Et ça explique peut-être pourquoi l'Égyptien a été baptisé l'ange par ses employeurs israéliens. Alors, de quoi s'agit-il ? En février 1973, un avion de ligne libyen avec 108 passagers à bord est abattu en plein vol par deux fantômes israéliens. Ouais. Et si je me souviens bien, cet appareil avait dévié de sa route. Hein. Et pénétré dans l'espace aérien du Sinaï. Les autorités militaires israéliennes ont alors cru avoir affaire à une tentative d'attentat suicide. Mais en réalité, le pilote s'était égaré à cause d'une tempête de sable alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport du Caire. Naturellement, Kadhafi est furieux. Il veut se venger. Il envisage d'abord un bombardement sur le port de Haïfa. Puis il imagine de torpiller le Queen Elizabeth, qui effectue une croisière en Méditerranée, avec à bord de nombreux touristes israéliens. Cependant, sans doute à cause de l'intercession de Sadat, ces deux projets sont abandonnés. Ce qui ne signifie pas que Kadhafi a renoncé à se venger. Un troisième projet ? Oui. Oui, il est prévu d'abattre un avion d'El Al à l'instant de son décollage sur l'aérodrome de Rome. Pour ce faire, les Libyens ont recruté 5 membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Mais Kadhafi a souvent agi ainsi en se servant de supplétifs appartenant à des groupes terroristes. C'est exact. Mmh. Pour accomplir cet attentat, 2 missiles doivent être utilisés. Et pour les acheminer à Rome, Kadhafi a demandé la collaboration du Caire et de ses services secrets. Les Moukabarat. Les 2 armes seront transportées à Rome via la valise diplomatique égyptienne. Avec l'accord de Sadat, donc. Oui, mais l'homme chargé de réceptionner les missiles et de les confier aux terroristes n'est autre qu'Asraf Marwan. Marwan qui alerte aussitôt le Mossad et les policiers italiens qui arrêtent les 5 terroristes. Ah oui, l'Égyptien a donc évité un carnage. Et au Mossad, sa cote est bien sûr au plus haut. Toutefois, on peut lire cette affaire d'une toute autre manière. D'abord, pourquoi est-ce justement Marwan qui a été chargé de la livraison des missiles aux terroristes ? Rien dans ses fonctions à la présidence ne justifiait vraiment son intervention dans un tel épisode. À moins qu'il ne se soit agi de renforcer la crédibilité de Marwan auprès du Mossad. Hein. On doit se poser la question, et ce serait très habile. D'autre part, si cette affaire a été de bout en bout une manipulation, il faut observer que les services égyptiens s'en sortent plutôt bien. Non seulement ils ont donné satisfaction aux Libyens en leur accordant leur aide, mais en faisant échouer le projet d'attentat à l'insu de ces mêmes Libyens, ils ont évité que l'Égypte ne soit compromise. Donc pour vous, j'ai compris, là, il est clair que Marwan est un agent double. Je ne vois pas d'autre explication. Mais le plus surprenant est à venir, car bientôt éclatera la guerre du Kippour. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Retour sur le recrutement d'Ashraf Marwan par le Mossad. J'ai trouvé ces lignes dans l'ouvrage de Michel Barzohar et Nissim Michal, Mossad, les grandes opérations. Citation. Goren était tenté d'accepter l'offre de l'Égyptien en dépit de ses exigences exorbitantes. Jamais le Mossad n'avait versé tant d'argent un agent. Avant cela, néanmoins, Goren exigea que le jeune homme apporte une preuve tangible de son engagement. Il lui demanda un échantillon des documents secrets auxquels il avait accès. Ces documents seraient également une assurance pour le Mossad, puisqu'il constituerait une preuve incontestable de la collaboration de Marwan avec les services israéliens. Aux yeux des Égyptiens, Marwan serait désormais un traître et un agent ennemi. Le jeune espion ne tarda pas et remit au Mossad un premier document. Il s'agissait de la transcription complète des discussions entre le président Nasser et les dirigeants soviétiques lors de leur rencontre à Moscou le 22 janvier 1970. Au cours de cet entretien, le président égyptien avait notamment demandé aux soviétiques de lui fournir des bombardiers modernes à long rayon d'action, capables d'atteindre des points reculés en territoire israélien. Le document stupéfia tous ceux qui eurent l'occasion de le tenir entre leurs mains. Jamais ils n'avaient eu accès à de telles informations dont l'authenticité ne faisait aucun doute. Les chefs du Mossad comprirent alors tout le potentiel du jeune espion. Nous allons voir si, comme je le pense, Marwan a joué un double jeu. Les Israéliens, eux, n'ont pas douté et ont continué à lui accorder leur confiance. On en a une preuve indirecte quand, en mars 1972, le secrétaire d'État de Richard Nixon, Henry Kissinger, a confié à l'ambassadeur soviétique aux États-Unis, Dobrynin, que les Israéliens disposaient d'une taupe haut placée en Égypte. Confidence un peu dangereuse, non ? Et qui montre que les Américains aussi avaient confiance dans les informations fournies par cette taupe et relayées par les Israéliens à l'intention de leur allié états-unien. Alors bien sûr, nous allons évoquer la guerre du Kippour et le rôle éminent que va y tenir Marwan. Mais auparavant, voyons quel était le contexte israélo-arabe. Après la désastreuse guerre des six jours en juin 67. Désastreuse pour les belligérants arabes, bien entendu. Je vous rappelle que l'Égypte y a perdu le Sinaï et la bande de Gaza. La Jordanie, la Cisjordanie et Jérusalem, et la Syrie, le plateau du Golan. D'autre part, le canal de Suez, l'une des principales ressources des Égyptiens, est désormais fermé à la navigation et Tsahal campe sur la rive est du canal. Et c'est surtout Nasser, le chantre du panarabisme, qui a payé le prix fort. Oui, mais au lendemain d'une défaite militaire sans précédent pour son pays, il a fait un coup de poker. Oui, sa démission. Refusé par le peuple égyptien qui le plébiscite et lui demande de rester au pouvoir. Ouais, l'art de transformer une défaite en victoire. En effet, la fin de la guerre des six jours ne signifie pas que les armes se taisent. Oui, c'est cette guerre d'usure là que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui. Nasser, à défaut d'avoir gagné, décide de maintenir un état de tension militaire tout au long du canal. Et ça commence en février 1969 avec des bombardements massifs d'artillerie et des raids de commandos sur les positions israéliennes de l'autre côté du canal. Les Israéliens qui ont pris en compte quand même les éventuelles attaques égyptiennes. Ah, ils ont érigé une série de fortins sur la rive orientale du canal de Suez, ce que l'on appelle la ligne Barlev, du nom du général qui a procédé à l'élaboration de ce dispositif de défense. Ça rappelle la ligne Maginot. Vous avez tout à fait raison. Et comme la ligne Maginot qui sera contournée par les blindés allemands en 1940, la ligne Barlev sera impuissante à contenir l'offensive égyptienne de la guerre du Kippour. Il faut aussi observer que pour la première fois de son histoire, l'armée israélienne opte pour une stratégie défensive. Et elle le paiera assez cher. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Ah bon. Cette guerre d'usure, là, comme vous l'avez appelée, est donc une guerre de position. Exactement. Est-ce que, au moins dans un premier temps, cette ligne Barlev peut résister à ces bombardements incessants de la guerre d'usure là ? Oui, mais à partir du second semestre de 1969, les Israéliens changent de tactique et leurs forces aériennes entrent en jeu. Et leurs raids font des centaines de morts et blessés du côté égyptien. Qui dirige alors Israël ? Depuis le mois de mars 1969, le Premier ministre est Golda Meir, qui est précédé par une solide réputation de femme à poigne. Pourtant, malgré cette coûteuse guerre d'usure en vie humaine, on observe une éclaircie en août 1970. Le secrétaire d'État américain, William Rogers, parvient en effet à obtenir l'esquisse d'un accord israélo-égyptien. Ce plan de paix est basé sur le retrait de tous les territoires occupés par Israël en 1967. retrait qui serait suivi de la signature d'un cessez-le-feu. Ça veut dire que Nasser a mis le doigt dans son vin. Hein. Apparemment. Ouais. Et Golda Meir, soumise à une forte pression des États-Unis, a fini par approuver. Mais il y a le coup de théâtre de septembre 1970. Ouais, la mort subite de Nasser. Nasser qui vient tout juste d'arriver à conclure un accord de cessez-le-feu entre la Jordanie et les Moudjahidines de l'OLP. Ouais, ça, c'est la fin du sanglant septembre noir, hein, comme on l'a appelé. Ouais, Nasser, il faut le rappeler, n'avait que 52 ans et malgré plusieurs alertes cardiaques, sa brutale disparition n'était pas prévisible. Quelles en sont les conséquences ? Bon, en Israël, on n'est pas fâché. D'une part, parce qu'on ne croyait pas vraiment à la volonté de Nasser de faire la paix. Et ensuite, parce que la mort du dirigeant égyptien met un terme au moins provisoire au plan de William Rogers. Oui, parce qu'Israël n'entendait nullement rendre les territoires occupés en juin 67. Évidemment. Golda Meir est donc soulagée. C'est certain. Et le plan Rogers sera rapidement enterré. Et avec lui, l'espoir d'une paix inespérée. Malheureusement, oui. Quant à l'Égypte, on en a parlé précédemment, c'est donc Anwar el-Sadat, qui était déjà vice-président, qui devient le numéro un, après la tenue d'un référendum dont le résultat était acquis d'avance. Quelles sont les réactions là, quand Sadat arrive au pouvoir ? Pour la plupart des observateurs internationaux, c'est un homme sans grande envergure qui, au contraire de Nasser, a une vision plus islamique de la société. Oui, vous m'avez dit qu'il s'est empressé de libérer des frères musulmans. Hein. En outre, il est plus admiratif des États-Unis que de l'URSS. Alors c'est pourtant ce piètre dirigeant, ainsi qu'on le considère à l'étranger, bah, qui va se débarrasser assez brutalement de ses rivaux en mai 71. Hein. Et qui va s'imposer comme le seul maître à bord. Non sans difficulté d'ailleurs. Et pour comprendre, il faut faire un tout petit retour en arrière. Au début 1971, le nouveau Reich, sans doute de mèche avec les Américains, décide de prolonger la trêve avec Israël sans en référer au tout-puissant Conseil de défense. En réalité, ce que cherche Sadat, c'est d'obtenir la réouverture du canal de Suez à la navigation. Pour les instances dirigeantes égyptiennes, c'est un vrai coup de tonnerre. Mais pourquoi ? Mais parce que depuis la fin de la guerre des Six Jours, c'est la première fois qu'un dirigeant égyptien se montre aussi conciliant vis-à-vis d'Israël. J'ajoute que dans le même temps, Sadat propose un projet de fédération avec la Syrie, le Soudan et la Libye. Mais sous Nasser, il y avait déjà eu une brève union avec la Syrie. Hein ? La République arabe unie, oui. En tout cas, ça vaut au Reich d'être mis en minorité au sein du parti unique au pouvoir. L'Union socialiste arabe. Bon, écoutez, je ne vais pas détailler à l'excès, mais Sadat a en face de lui des adversaires résolus, dont Sami Sharaf, qui était le plus proche collaborateur de Nasser et le tout-puissant ministre de la guerre, Mohamed Fawzi. Tous accusent Sadat de détourner le pays de son objectif principal, la guerre contre Israël. Sadat est même conspué lors d'une allocution publique. Et c'est alors qu'il décide d'employer la force. Oui, il commence par dissoudre l'Union socialiste arabe, promet l'organisation d'élections législatives, qui n'auront bien sûr jamais lieu, et du même coup, il fait arrêter les comploteurs présumés qui entendaient le destituer. Ouais. Qui, m'avez-vous dit, seront lourdement condamnés. Mais comment a-t-il pu gagner aussi rapidement ? Il a manipulé une partie de l'armée en lui promettant une reprise imminente des opérations militaires contre Israël. Et ça suffit. Oui, parce qu'il a nommé les officiers supérieurs qui l'ont suivi au plus haut poste militaire. Ouais. Alors, on s'était donc trompé sur sa date. Oui, le personnage était beaucoup plus retors qu'on ne l'imaginait. Et la suite va le prouver. En tout cas, certains anciens proches de Nasser, comme Ashraf Marwan, se rallient très vite à lui. Le Reich a maté ses adversaires alors qu'il n'exerce le pouvoir que depuis quelques mois. Alors, la suite hein ? Nouvel exemple de sa ruse. Au cours de l'été 72, je crois vous l'avoir dit, il décide l'expulsion de 15 000 militaires et experts soviétiques stationnés en Égypte depuis 1969. Une décision applaudie par la population qui ne sympathisait guère avec ces étrangers. Mais malgré les apparences, Sadat ne rompt pas avec Moscou, bien au contraire. Après avoir montré sa fermeté, il obtient encore plus de livraisons d'armes soviétiques, et en particulier des matériels modernes que l'URSS s'était jusqu'à présent rechigné à livrer au Caire, comme le MiG-23 ou encore des missiles anti-chars et anti-aériens. Parce que le Kremlin a eu peur que Sadat ne tourne kazakh et se rapproche définitivement du camp de l'Ouest. C'est évident. Ce qui ne l'empêche pas d'envoyer des signaux aux États-Unis en laissant entendre que son pays ne fait partie d'aucun camp. Autre chose, et là notre ami Marwan a certainement joué un rôle. Sadat a fait en sorte de faire croire que l'épuration qu'il avait opérée dans l'armée avait durablement affaibli cette dernière. Et que par conséquent, elle ne serait pas capable de lancer une offensive. Alors qu'en réalité, le Raïs, qui ne cessera de souffler le chaud et le froid, a déjà donné l'ordre à son état-major de préparer la guerre contre Israël. Quand précisément ? Fin octobre 72, lors d'une réunion qui s'est tenue dans sa résidence de Giza. Mais là, nous allons retrouver Marwan qui va jouer sa partition dans cette redoutable partie de poker menteur. Alors, pardonnez-moi d'avoir été un peu long aujourd'hui et retrouvons-nous la semaine prochaine pour évoquer la guerre du Kippour et l'action d'Ashraf Marwan. Quelques livres pour terminer. La guerre du Kippour n'aura pas lieu, comment Israël s'est fait surprendre, de Marius Schattner, journaliste à Libération, et de l'historienne Frédéric Chilot. Un livre très documenté car les deux auteurs ont eu accès aux archives israéliennes récemment déclassifiées sur la guerre du Kippour. Mossad, les grandes opérations de Michel Bar-Zohar et Nissim Michal qui présentent la version israélienne officielle des faits. La question de Palestine, quatrième tome, 1967-1982, le rameau d'Olivier et le fusil du combattant de Henri Lawrence. Le KGB à l'assaut du tiers-monde de Christopher Andrew et Vassili Mitrokhin, où l'on apprend que Marwan émargeait aussi à la CIA, en même temps que peut-être son patron Sadat, qui est aussi le personnage principal d'une biographie passionnante de Robert Solé qui vient tout juste de paraître. Les références de ces livres sur franceinter.fr. À samedi prochain, cette émission, comme d'habitude, a été préparée par Rebecca Denant et réalisée par Michel Millou et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.